Futur Simple se poursuit à l'écoute de CKRL, toujours au 89.1, et on va passer du coq à l'âne, ou plutôt du bœuf au diamant. Nous allons découvrir comment cette pierre précieuse se forme dans la croûte terrestre. Et pour nous l'expliquer, nous avons une invitée, Charlotte Aturion, qui est étudiante à l'INRS. Bonjour Charlotte. Bonjour Valérie. Alors Charlotte, tu fais une maîtrise en géologie minière, mais donc tu as quand même une bonne idée de ce qui se passe dans la croûte terrestre. Et tu te passionnes aussi pour les minéraux, donc c'est par ça. Exemple les diamants. Donc raconte-nous de quoi ils sont faits ces diamants. Et ben c'est ça, les diamants sont composés de carbone pur, comme par exemple les mines de ce qu'on appelle les crayons de plomb. En fait, ils ne sont pas constitués de plomb, mais de carbone, de plus précisément du minéral qu'on appelle le graphite. Mm-hmm. Donc, le graphite et le diamant sont tous les deux composés de carbone. Mais alors, on peut se demander, qu'est-ce qui fait que l'un est si rare alors que l'autre est présent en quantité importante à la surface de la Terre? En fait, c'est simplement l'agencement des atomes. Dans le diamant, les atomes sont fermement liés entre eux et forment un réseau très dense et rigide. C'est pas le cas dans le graphite. Et c'est cette propriété qui explique pourquoi le diamant est si dur, tandis que quand on écrit avec un crayon de plomb, on laisse sur la feuille une traînée de minuscules plaquettes de graphite. Ouais, donc c'est assez curieux parce que c'est le même constituant, c'est les deux du carbone, mais ça donne à cause de l'assemblage des atomes, ça donne une allure complètement différente. L'un qui est noir et l'autre qui est transparent. Donc c'est quand même assez rare, assez curieux. Mais bon, finalement, donc c'est constitué de carbone. Le carbone, c'est un élément qui est abondant sur Terre, donc il ne devrait pas en manquer pour fabriquer du diamant. Donc comment ça se fait que ce soit si rare? Mais en fait, l'obtention de diamants à la surface de la Terre, donc qui puissent être exploités dans des gisements accessibles à l'homme, en fait, il se produit par une succession de phénomènes peu communs, et c'est pourquoi le diamant est si rare. Mm-hmm. Donc en fait, le diamant se forme dans des conditions très restreintes qu'on retrouve seulement dans une zone qu'on nomme la zone de stabilité du diamant. Cette zone est située sous des croûtes continentales très épaisses et très vieilles. Vieilles, c'est-à-dire plus de 1,5 milliard d'années, qu'on appelle cratons. On retrouve ces cratons par exemple dans le nord du Québec, l'Abitibi est un craton, ou encore l'Afrique du Sud, l'Australie, etc. Et c'est uniquement dans ces zones-là que le carbone est stable sous forme de diamant. En effet, pour que le carbone adopte le système cristallin du diamant, il faut qu'il soit soumis à des pressions extrêmement élevées dans le manteau terrestre de la Terre. Pour vous parler en chiffres, le diamant se forme à des pressions équivalentes à 70 000 kg par centimètre. Ça équivaut à mettre 2 camions sur 1 centimètre. Donc vous pouvez imaginer la pression que ça cause sur ce petit centimètre. Et donc on retrouve ces pressions-là à des profondeurs de l'ordre de 120 à 150 km sous la Terre, à la base de ces cratons. Parallèlement, les températures dans cette zone sont relativement basses par rapport à la profondeur, en fait. On s'attendrait à ce qu'à cette profondeur, les températures soient un peu plus hautes, mais là, on retrouve des profondeurs de seulement 1500 degrés Celsius. Ouais, faut dire seulement avec c'est des ça. Guillemets, parce que c'est relatif. Même, ça veut dire que normalement, cette profondeur-là, il fera encore plus chaud. C'est ça. Normalement, il fait encore plus chaud. Okay. Et c'est ces conditions avec une pression très élevée et une température relativement basse qui va faire que le milieu sera propice à la formation de diamants. Donc les diamants, ça se forme en profondeur, tu dis à plus de 100 km sous nos pieds, à une forte pression, puis à une température relativement élevée. Là. On ne sait plus si on doit dire si elle est basse ou élevée. Mais qu'est-ce qui fait qu'on les retrouve à la surface? Parce que quand on les exploite, quand on va les chercher dans les mines, on ne va pas les chercher à 100 km de profondeur. Donc qu'est-ce qui fait qu'on les retrouve en surface? Eh ben, c'est simplement le passage d'un magma kimberlitique. Donc qu'est-ce que c'est un magma kimberlitique? C'est un magma qui a une très forte teneur en CO2, donc il va être plus léger que son environnement. Ce type de magma est caractérisé par une vitesse d'ascension très rapide. Ils vont se former entre 150 et 450 km de profondeur, et au début, la vitesse de remontée va être environ 20 km/h, mais plus elle arrive à la surface, et plus la vitesse va augmenter, et elle va même atteindre à son arrivée à la surface une vitesse supérieure à la vitesse du son, soit environ 1200 km/h, ce qui est assez énorme. Ouais, c'est phénoménal, ça. C'est ça. Et donc, si ces magmas passent sous un craton, donc dans la zone de stabilité du diamant, ils vont arracher les morceaux de manteau avec les diamants et les remonter à la surface. Et comme la remontée est rapide, le diamant ne va pas avoir le temps de se retransformer en graphite. Ah oui. C'est ça. Ouais. Comme vous pouvez l'imaginer, ce type de volcanisme est très explosif et il va donc former des diatrèmes, des cheminées volcaniques qui peuvent aller jusqu'à 2 km de profondeur et qui s'étendent sur quelques kilomètres de circonférence. En surface, ce volcanisme s'exprime par un cratère. Et donc, c'est dans ces cratères et le cheminée volcanique qu'on retrouve les roches volcaniques appelées les kimberlites, où on trouve les inclusions de diamants. Cependant, de nombreux magmas kimberlitiques ne passent pas par ces zones de stabilité du diamant, et donc elles ne contiendront aucun diamant. D'accord, donc c'est pas parce qu'on a un magma kimberlitique qu'on va avoir des diamants. C'est alors. Donc à ce moment-là, où est-ce qu'on les retrouve, par exemple? Eh ben, donc on les retrouve dans les cratons, ça c'est sûr, on peut pas les retrouver ailleurs. Et par exemple, en 2005, les principaux producteurs étaient la Russie, le Botswana, l'Australie, la République dominicaine du Congo, l'Afrique du Sud et le Canada est en cinquième position avec 7,1% de la production mondiale. Et pour faire simple, si on veut avoir une chance de trouver des diamants, là, pour résumer, on doit chercher des kimberlites au sein des cratons. Les kimberlites ramènent les diamants des cratons en profondeur. Voilà, mais attention, pas toutes les kimberlites sont diamantifères, puisque on retrouve pas des diamants sous tous les cratons. Donc, de nombreux magmas kimberlitiques ne vont pas passer par la zone de stabilité du diamant et donc ne vont pas arracher de diamants. C'est pour ça que les diamants sont extrêmement rares. Ouais. Donc, par exemple, il y a l'île Bizarre, proche de Montréal, qui contient une kimberlite qui a été formée lors de l'activité des montérégiennes. Et au sein de cette kimberlite, on retrouve quasiment pas de diamants. Il y en a quand même quelques-uns qui ont été retrouvés dans les années 1960, mais très peu. C'est pas exploitable, il y a rien à faire avec ça. Mais bon, il y a quand même plus de 500 kimberlites répertoriées uniquement au Canada, dont un grand nombre dans les régions septentrionales éloignées. Donc, si vous voulez vraiment rechercher des diamants, je vous conseille le nord du Québec. Ça peut être un bon départ. Je pense qu'il y en a qui y ont pensé, d'ailleurs. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il en est des diamants qu'on trouve dans les cours d'eau? Eh ben, en fait, il y a deux types de gisements diamantifères, les gisements primaires et les gisements secondaires. Les gisements primaires sont ceux qu'on retrouve directement dans les kimberlites, donc dans les cheminées volcaniques dont on a parlé plus tôt. Et les gisements secondaires, ceux qu'on retrouve dans les rivières ou sur les plages et qui sont issus de l'érosion des kimberlites. Et en fait, avec les eaux de ruissellement, les diamants vont se concentrer dans les rivières et sur la plage. Il existe également un autre processus de formation de diamants naturels qui est assez extraordinaire et assez rare. En effet, les diamants peuvent se former lors d'un violent impact d'un astéroïde. Ouais, donc ça doit être rare. C'est très rare, mais la force de l'impact va comprimer le graphite présent naturellement à la surface de la Terre et le transformer en diamant. Cette année, un gisement particulièrement riche a été mis à jour en Sibérie du Nord. Il avait été découvert dans les années 1970, mais en raison de la guerre froide et pour pas remettre en cause les projets russes de construction d'usines de diamants synthétiques, l'information avait été tenue secrète jusqu'au mois dernier. Il s'agit du cratère d'impact, le cratère Popigai, qui a un diamètre d'environ 100 km, qui a été causé par un astéroïde il y a 35 millions d'années. Et la quantité de diamants serait 10 fois supérieure à l'ensemble des réserves mondiales. C'est énorme. Donc c'est assez énorme et ça pourrait bouleverser la situation du marché du diamant au niveau mondial. Cependant, ce type de diamant n'est pas assez pur pour faire des belles bagues. Il va surtout être utilisé dans l'industrie. Et peut-être qu'on va vouloir chercher d'autres gisements de ce genre sous d'autres cratères météoritiques, alors. Oui, tout à fait possible. Les diamants au Québec, tu l'as évoqué un petit peu peut-être dans les régions septentrionales, mais qu'est-ce qu'il en est? Au Québec, il y a la compagnie canadienne Stornoway Diamonds qui a fait une étude de faisabilité en 2011 sur son projet Renard qui est situé près des monts Otiche à environ 350 km au nord de Chibougamau. Et ce projet diamantifère est sur le point de devenir la première mine de diamants du Québec. La production annuelle maximale devrait atteindre plus de 2 millions de carats et devrait débuter d'ici 2015. Est-ce que tu peux en acheter? J'espère. D'accord, merci beaucoup Charlotte. C'est assez fascinant finalement de voir dans quelles conditions se fabriquent les diamants, d'imaginer le magma qui remonte plus vite que la vitesse du son. C'est ça. Que des fois les diamants peuvent être formés suite à une chute d'astéroïdes. Je trouve ça assez fascinant. Je pense qu'on va se contenter de les regarder. Par contre, c'est pas à la portée de nos poches, de nos bourses. Alors, maintenant, on va revenir plus terre à terre. On va faire une pause publicitaire sur CKRL au 89.1.